grand bonjour, un grand salut à vous toutes et tous qui nous écoutez sur la bande FM 94.2, peut-être en podcast également. Je ne veux pas vous inonder de chiffres, simplement de références. Aujourd'hui, on ouvre la 150e émission de Coup de cœur, c'est pas mal. Et c'est le 130e artiste que nous mettons à l'honneur ce jour. Un de ces quatre, on fera un palmarès. Pourquoi pas écouter un petit extrait de tout le monde, tous ceux de qui on a parlé depuis le début de cette aventure. Un programme encore bien chargé sur Fadjet pour les 60 minutes à venir. Allez, c'est parti! Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Moi je fais la grande blonde. Moi je prends la petite roue. Et les gars, n'oubliez pas. Nouvelle vague. Nouvelle vague. Faut pas grand chose pour faire connaissance. On boit, on pose, on rit, on danse. Mais faut garder cette indépendance de la de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Alors vous l'avez compris, on va remonter ensemble plusieurs décennies de la chanson française, puisque c'est Richard Betsch qui est notre coup de cœur, alias Richard Anthony, qui est né en janvier 38 au Caire en Égypte et qui nous a quittés en avril 2015. Il habitait à Pégomas dans les Alpes-Maritimes. Il s'agit bien sûr d'un chanteur français, mais d'origine syrienne. Pionnier du twist en France et importateur de rock, il est surnommé le père tranquille du rock. Il compte plus de 600 titres enregistrés et près de 50 millions de disques vendus. Rendez-vous compte, il a enregistré des titres dans 6 langues, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien et l'arabe. Côté famille, le père de Richard Anthony, Edgar Betsch, de confession israélite, est originaire de la province d'Alep en Syrie, à l'époque sous le mandat français depuis 1918. Il s'agit d'un industriel dans le textile en Égypte. Sa mère Margarite, d'origine anglaise, est la fille du consul honoraire d'Irak à Alexandrie. Le jeune Richard passe une enfance dorée en Égypte, mais la montée du nationalisme obligera sa famille à l'exil. D'abord en Argentine, puis en Angleterre. À 9 ans, il intègre le prestigieux Brighton College, où il sera soliste de la chorale. On va l'écouter dans un de ses titres phares, « À présent, tu peux t'en aller ». Puis, un petit clin d'œil aux Enfoirés. Alors, cette année, le spectacle sera enregistré à Lyon et il sera diffusé à la télévision fin février, début mars, comme chaque année en fait. Fadjet. Coup de cœur. À Nancy sur 94.2. Faire le bien. On ne sait pas bien comment faire, mais faut plus se taire. Ça n'a l'air de rien, mais regardez la misère pour la mettre à terre. Impuissant, plus jamais non. Il suffit de pas grand chose au fond pour qu'un puissant fasse des millions. Qu'est-ce qu'on attend pour la faire, notre révolution? Pourvu qu'on s'aime. C'est un cri d'amour qui compte pour faire bouger la ronde. Impuissant, puis des millions. Avec la force du nombre, on fait de rien. Puissant, puis des sillons. Pour tracer sur notre route une révolution. Pourvu qu'on s'aime. Et qu'on le sème, que les rêves deviennent révolution. Faut qu'on l'apprenne, qu'on le retienne. Les gens qui rêvent font des révolutions. Faut qu'on se lève, qu'on se soulève. Faire de ce chant notre résolution. Le dire sans trêve sur toutes les lèvres. On pourra lire notre révolution. Résolution. Le nouvel hymne des Enfoirés pour 2023, son titre, ça s'appelle tout simplement « Rêvons ». Notre coup de cœur, alors c'est Richard Anthony dont il s'agit aujourd'hui. Sachez qu'à 13 ans, il arrive en France, donc en 1951, et il entre au lycée Janson de Sailly de Paris. Sa demi-sœur Valérie fera partie, sachez-le, de Tangerine, un groupe folk français des années 70. Elle continuera d'ailleurs plus tard une carrière solo, sous le pseudonyme de Manu le Prince, chanteuse reconnue pour ses reprises de classiques brésiliens. Après son bac, baccalauréat et le début de ses études de droit, Richard Anthony refuse de suivre ses parents à Milan, préférant rester avec Michel, rencontré sur les bancs du lycée et qui deviendra sa première épouse, avec qui il aura notamment trois enfants, Nathalie, Jérôme et Joanne. Il devient représentant de commerce en réfrigérateur, tout en jouant du saxophone dans les clubs de jazz. Il se produit notamment les jeudis soirs au Vieux Colombier, dont le patron Claude Wolff est le mari de Pétula Clark. Je vous en dis un peu plus dans quelques minutes. On l'écoute dans Let Twist Again et c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil à Pétula Clark avec Petite Fleur. Like we did last year. Do you remember when we all played that number? Dansez-vous le tango? Non! Foxtrot? Non! Alors, est-ce que vous dansez le twist? Oui! Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. J'ai caché mieux que partout ailleurs au jardin de mon cœur une petite fleur. Cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle garde en secret tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents et tous ces clairs matins faits d'heureux. Souvenir lointain, quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur sur mes. Grand jardin d'amour, petite fleur. Fadjet à Nancy sur 94.2. Allez, on poursuit ce coup de cœur, Richard Anthony. En 1958, il est influencé par la pop anglophone qu'il connaît bien puisqu'il parle six langues et il décide d'adapter ce nouveau genre musical à des textes français. C'est ainsi qu'il enregistre « Tu m'étais destiné », adaptation de « You are my destiny » de Polanka et « Peggy Sue », version française du succès de Buddy Holly et il fait le tour des maisons de disques sans dire qu'il en est le chanteur. Il se décide ensuite à l'avouer devant l'enthousiasme des directeurs artistiques. Parmi eux, c'est Jacques Play, futur producteur et directeur artistique de Joe Dassin, qui devient le premier à le faire signer dans une maison de disques, en l'occurrence le label Columbia. Il prend alors comme nom d'artiste Richard Anthony, ce qui correspond à la réunion de ses deux prénoms d'état civil, et il sort en 58 son premier Super 45 Tours. Ça passe inaperçu. Son second 45 tours, intitulé La rue des cœurs perdus, est publié quant à lui en 59, mais hélas, il connaît le même destin. Je vous propose qu'on écoute ce titre, La rue des cœurs perdus, et puis un petit clin d'œil à Joe Dassin et ses Champs-Élysées. Je connais un coin de rue où l'on va jeter son cœur quand

leçon de twist, J'entends siffler le train en 1962, qui reste un de ses plus gros succès, ou encore Donne-moi ma chance en 1963. En 62, justement, sa popularité est telle qu'il parvient à se maintenir numéro 1 des ventes en France durant 21 semaines. Les médias de l'époque mettent en concurrence les plus gros vendeurs de disques, Richard Anthony notamment, et Johnny Hallyday, et leurs fans respectifs se déchirent. Ils en viennent souvent aux mains et saccagent les salles de concert. Pourtant, en privé, ils sont les meilleurs amis du monde. C'est un petit peu comme au féminin, les fans de Sylvie Vartan, de Sheila et de Françoise Hardy. J'entends siffler le train, un des plus gros tubes de Richard Anthony tout de suite. Et puis Johnny Hallyday, son concurrent de l'époque, pour moi, la vie va commencer. Écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Pour moi la vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie, chevauchant avec mes amis. Pour moi la vie va commencer. pour moi la vie va commencer. Et je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris. Tandis qu'au loin, comme un troupeau, passent les ombres des chevaux. Ah, pour moi la vie va commencer. Sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, mes années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. En 1964, Richard Anthony est à nouveau numéro 1 avec « À présent, tu peux t'en aller ». Au rythme de 300 galas par an, il décide de passer son brevet de pilote. Il a été le premier chanteur à adopter l'avion privé, plus rapide, moins dangereux que la route, comme mode de déplacement bien sûr. Il en acquiert un, comme le chanteur Marcel Amon, et il le pilote lui-même pour ses tournées embarquant musiciens et matériel. Il rejoint ainsi, dès qu'il le peut, sa famille dans ses villas de Saint-Tropez et de Marbella, sa maison de la vallée de la Chevreuse ou son chalet à Cran. C'était la grande vie. Il se fait construire un hôtel à la Jamaïque où il s'accorde quelques moments de vacances, pourquoi pas. En France, en 1965, il est de nouveau en tête des hit-parades avec « Je me suis souvent demandé », une adaptation d'une chanson belge. Il en a fait également un hit en Argentine. Beaucoup de ces titres que l'on a cités jusque présent sont des reprises de chansons anglo-saxonnes ou la chanson belge. À cette époque, il vit entre Marbella, où réside sa famille, et Londres, où il enregistre au studio Abbey Road, en même temps que les Beatles, avec qui il s'est lié d'amitié. Il figure notamment également sur la photo du siècle, prise par Jean-Marie Perrier en avril 66, qui réunit, je vous le rappelle, 46 vedettes françaises des années 60. En 1967, Guy Bontempelli écrit des paroles sur le concerto d'Aranjuez de Joaquim Rodrigo et Aranjuez, mon amour, devient un de ses plus grands succès, notamment numéro 1 en France et en Espagne, numéro 3 en Grèce, au Brésil, numéro 8 en Argentine. Ce titre est resté pour lui sa plus grande fierté. Son compositeur ayant refusé toute adaptation, c'est sans l'accord de sa maison de disques de l'époque qu'il l'enregistre sur ses deniers personnels avec l'Orchestre Philharmonique de Londres. Il va le présenter lui-même à Joaquim Rodrigo à Madrid et obtient sa permission de le diffuser. On va l'écouter tout de suite, puis ensuite je les ai cités il y a quelques instants, les Beatles, Yesterday. Depuis le matin de mai qu'ils sont venus, et qu'en chantant, soudain ils ont écrit sur les murs du bout de leurs fusils de bien étranges choses. Mon amour,

Julien. Il atteint la seconde place des ventes en France en 1974 avec Amoureux de ma femme, encore une reprise, mais cette fois-ci d'une chanson italienne. Et en 1978, après l'album Non Stop, il s'installe à Los Angeles avec sa nouvelle femme, Sabine, et leurs trois enfants, Xavier, Alexandre et Cédric, cette fois-ci pour y faire de la production. Il veut à présent exporter des mélodies françaises pour le public américain. Il y produit notamment Indian Summer, adaptation anglaise de L'été indien de Joe Dassin, et il y enregistre aussi un album en anglais resté inédit jusqu'à aujourd'hui. À la fin des années 80, il divorce à nouveau de Sabine et s'éloigne une nouvelle fois du public. Il part s'installer sur la Côte d'Azur où, hélas, il a un grave accident de bateau l'obligeant à rester alité plusieurs semaines. Elisabeth, son infirmière, deviendra sa dernière compagne. À partir de 1980, il apparaîtra comme un chanteur ringard, surtout auprès du jeune public, mais il continuera cependant à vendre ses disques à succès des années 60 et 70 auprès d'un public qui lui sera resté fidèle. On a parlé de « Amoureux de ma femme », c'est le titre qui va suivre. Et puis la version longue de ce jour, réalisée par Philippe Christian, c'est un titre de Jean-Jacques Goldman et Patrick Fiori. Je vous proposais de le découvrir dans quelques minutes. Quatre mots sur un piano, réalisé en version longue. Qu'est-ce qui me prend ? Je me sens soudain tout drôle. Comme si j'avais sur mon épaule. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Bizarre, c'est tout à fait normal. Comme au premier jour, je suis amoureux de ma femme. Es-tu vraiment dans son état normal? J'ai envie de l'embrasser, besoin de la caresser. Je sens me piquer au merveilleuse et tendre douleur. Comme un collégien, je suis amoureux de ma femme. Est-il vraiment sérieux? Je la trouve belle, je la chante sur toute la gamme. Comme ça, quand on est amoureux, demain je brise les ponts. Je prends deux billets d'avion et je vais me l'emmener prendre des vacances. Depuis longtemps déjà n'existait plus rien. Nous restait seulement la presse en commun. Et souvent s'installait au fond de mon cœur pour un jour de un nouveau bonheur. Qui sait, peut-être nous sommes mariés trop jeunes. Et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles j'en ai fait le tour. Je sais que c'est elle mon unique. Trois jours à lui faire l'amour, trois nuits sans dormir, trois jours sans sortir. Qui sait, peut-être nous sommes mariés trop jeunes. Et j'avais besoin de vivre ma vie d'homme. De toutes mes idylles j'en ai fait le tour. Je sais que c'est elle mon unique amour. Quelle chance aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. La version longue de Philippe Christian aujourd'hui, Goldman, Fiori, quatre mots sur un piano. De trop, je sais compter. Quatre. contrevent sur un passé. Mes rêves envolés. Mais qu'aurait donc cet autre que je n'ai? Ne le saurais-je jamais. Quatre banals clichés, dénouement funeste. Trois moins deux qui s'en vont, ça fait moi qui reste. Caresse, égard et baiser, je n'ai pas su faire. La partager me soufflait Lucifer. Depuis je rêve d'enfer. Moi j'aurais tout fait pour elle, pour un simple mot que lui donne l'autre que je n'offrirai. Elle était mon vent, mes ailes, ma vie en plus beau. Était-elle trop belle ou suis-je trop sot? N'aime-t-on jamais assez? Résumé, carte jouée, mais la reine s'est cachée. 4 millions de silences, de regrets qui dansent, les questions, les soupirs et les sentences. Je préférais ces absences. Moi j'aurais tant fait pour elle, pour boire à son eau, que lui donne l'autre que je n'offrirai. Elle était mon vent, mes ailes, ma vie en plus beau. Était-elle trop belle, ou bien nous trop sots? N'aime-t-on jamais assez? Étiez ma vie comme la nuit et le jour. Vous de nous effilez mon parfait amour. Un matin vous m'avez condamné à choisir. Je ne vous aimais qu'à deux. Je vous laisse à Dieu. En 1993, la firme Emaï sort un coffret de 300 de ses chansons qui redonne à Richard Anthony l'envie de revenir sur scène. Il sort alors le titre Barrière des générations, que l'on va écouter juste après, enregistré en Belgique, et fait un retour sur les plateaux de télévision, et notamment l'émission Sacrée Soirée lui offre une spéciale, Richard Anthony, au Cirque d'hiver de Paris. En 1996, il réenregistre ses tubes pour la France, mais aussi l'Espagne, avec l'album Sentimental. En 1997, il publie son autobiographie aux éditions Michel Lafon, le titre du livre « Il faut croire aux étoiles », inspiré du titre d'une de ses chansons. En 1998, il fête ses 40 ans de carrière au Zénith de Paris et reprend « Victoire, je t'aime » en hommage aux Bleus. Richard Anthony fait un nouveau retour médiatique en 2006 Et il est à l'affiche des tournées Achetendre et Tête de Bois. Il participera jusqu'à la 4e saison, soit jusqu'en 2010. Et ça, avant de revenir pour la 7e saison en 2012-2013, où il profite pour annoncer cette tournée comme étant sa tournée d'adieu. Le 12 février 2012, il fait salle comble pour un concert sur la scène de l'Olympia, où il invite Jane Manson en première partie. On va écouter ce titre qui était son dernier enregistrement, Barrière des générations, puis un petit clin d'œil à Jane Manson dans le dernier titre de sa collection, The Lord's Prayer. Il rentrait le soir, seul dans son silence. Je lui disais pas bonsoir, j'avais tant d'insolence. J'avais 15 ans et des poussières, et comme il était mon père, entre nous c'était l'enfer, se faisait la guerre. D'un côté de la barrière des générations. Il lisait son journal, moi je restais dans mon coin. On se disait des choses banales où l'on ne se disait rien. Poussait ma musique à fond, il se mettait en colère. Mon rock'n'roll et mes chansons, c'était pas son affaire. Derrière cette sacrée barrière des générations. as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Que dire des deux titres que nous venons d'écouter ? Alors, respectivement, La barrière des générations de Richard Anthony, on peut la comparer à Mon vieux de Daniel Guichard, des regrets auprès d'un sentiment que l'on n'a peut-être pas exprimé auprès de son papa quand il était vivant. Merveilleuse chanson. Et puis, à l'instant, le dernier titre de Jane Manson, donc The Lord's Prayer, qui la place vraiment au-dessus du registre des variétés classiques, à mon avis. On finit ce coup de cœur en donnant encore quelques précisions sur la fin de vie de Richard Anthony. Après avoir souffert en 2010 d'un cancer du côlon, il nous a quittés le 19 avril 2015, exactement, à l'âge de 77 ans, à Pégomas, dans les Alpes-Maritimes, des suites d'un cancer généralisé. Lors de son dernier séjour à l'hôpital, il avait souhaité rentrer chez lui pour mourir près des siens. Ses obsèques ont eu lieu le 24 avril 2015 à Cabri, dans l'intimité familiale. Richard Anthony s'est marié deux fois et a reconnu 9 des 11 enfants qu'il aurait eu. Le 13 janvier dernier, il aurait eu 85 ans. On le retrouve en live, comme notre habitude, dans la troupe H-Tendre, pour un medley de ses plus grands titres, de ses plus grands tubes. Rebonsoir. Nouvelle-Vague, une petite MG, trois compères, assis dans les bagnoles sous un réverbère. Une jambe ou deux par-dessus la portière. Après ce chef-d'œuvre littéraire, issu de ma plume, la faut que je dise quand même. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore. Quoi que tu penses, je n'ai pas tous les torts. Oh non, ne me dis pas que c'est trop tard. Que nous nous sommes quittés. Je t'ai passé cette nuit à boire et à twister. Car c'est ma fête, je fais ce qui me plaît, ce qui me plaît, ce qui me plaît. J'ai décidé ce soir de me ruser. Oh, chin chin, à ma santé. Moi je veux l'oublier. Oh, perpliquer les parties. Je me noie dans le whisky. Chin chin, encore une fois, chin chin. Oh allez, une semaine, moins une heure, c'est la durée pendant laquelle on va être séparés, tout simplement. J'y pense déjà à notre rendez-vous de la semaine prochaine à 17h sur cette même antenne 94.2. Si vous voulez vraiment reconnaître en cours de semaine l'ambiance de cette émission Coup de cœur, vous pouvez nous retrouver en podcast sur www.fadjet.net. D'ici la semaine prochaine, passez de bons moments, une excellente semaine. Et puis on se retrouve bien sûr à 17h. Salut, salut !